Ah, caserbon, en caleçon, j'ai fait voir ton cul. Ah, mes amis. Ah, quelle émotion. Figurez-vous, j'étais chez moi, peinard, en train de faire des expériences à base de schnapps et de gasoil, l'auto-filtré dans une culotte de cossobarde. Vierge. Quand d'un seul coup, on frappe à ma porte. Ah, vous voulez quoi? C'est moi. Hein? Qui sort toi? C'est moi, Sylvie. Sylvie? T'es pas en train de te foutre de ma gueule, par hasard, espèce... Non, je t'assure. C'est moi, Sylvie. Mais quoi, Sylvie? Je connais pas de Sylvie, moi. En plus, excuse-moi, mais des Sylvie mecs, j'en connais pas, hein. Si t'es venu pour une exploration de la caverne au sud, j'ai le regret de t'annoncer que Zouzou n'habite plus là. Il a déménagé. Non, pas du tout, c'est... C'est bien toi que je viens voir, Helmut. Oh, ça pue un peu, cette affaire-là, hein. Moi, je trouve qu'elle sent plutôt bon, cette histoire. Oui, bah calme-toi, la Castafiore. T'es là en costard-cravate, tu dis que tu t'appelles Sylvie, mais apparemment tu me connais en plus. Ah, me dis pas qu'on a été à l'école ensemble, j'ai jamais été à l'école. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai appris avec toi? Oh, tu me fais peur quand tu me dis des trucs comme ça. J'ai presque l'impression qu'on a été amants ou un truc du style, là. On a vécu 3 semaines de folie amoureuse, Helmut. Oh putain. Oh là là, je sens qu'arrive de façon inévitable l'heure de la petite baffe dans ta gueule, Bibifoc. Mais enfin, rappelle-toi, bon sang. Sylvie, la fille du vieux Momo. J'ai simplement changé de sexe il y a 2 ans. Momo. Momo le croque-mort? Oui. Celui chez qui tu as fait un stage et qui t'a viré un soir quand il t'a surpris en train de faire une fête avec 5 morts autour de la table de préparation. Bon, ça va, j'étais bourré. Eh bien, Sylvie, sa fille, c'est moi. Regarde ces marques que j'ai sur le côté. Regarde, Helmut, c'est celle que tu m'as faite le soir où tu m'as emmené à Longchamp et que tu m'as fait faire le tour de l'hippodrome en me chevauchant sauvagement. Oh ben, je vois pas le rapport avec les marques sur le côté. C'était tes éperons, Helmut. Les éperons, oui. Oh. Je suis pas bien, là. Je crois que je vais m'asseoir un peu. On va réapprendre à s'aimer, Helmut. Je... Ah ben oui, eh oui, il a pas pu finir sa phrase, hein. C'est juste à ce moment-là que, malencontreusement, mon canapé en fer s'est installé contre son crâne. Eh oui. Bon ben, je vous laisse, hein. J'ai rendez-vous avec une petite nouvelle qui vient d'emménager dans l'immeuble. Ça sent le fait du verre dans le terrier. Promis, je vous raconte tout ça demain. Au revoir, Wiedersehen.